Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Caminando hacia la Patagonia. Alors, devinez où nous sommes en ce moment. Nous sommes au bord de l'immense lac Nahuel Huapi, au bord duquel nous avons passé la nuit. Et on est en train de prendre le petit déjeuner ce matin, là, en profitant du soleil et d'une vue imparable. On est quelques kilomètres avant Via Angostura, où on va donner un peu de nouvelles à tout le monde et puis prendre aussi. Et que vous dire, on vient de terminer une route très jolie, ça s'appelle la route des Sept Lacs, éminemment touristique aussi. Et ce week-end, c'était un défilé de voitures et de minibus de tourisme, alors qu'on est encore en saison basse. Et on se dit qu'heureusement, c'est encore la basse saison, parce qu'en été, ça doit être quelque chose d'absolument terrible. Et donc, on profite un peu du relatif calme qu'on trouve encore à ce moment. Donc on vous a quitté quand on était à Junin. On a pu partager avec une famille pendant quasiment 6 jours. On a logé chez eux et on a appris à la connaître de petit à petit. C'était des personnes qu'on a rencontrées sur la route un peu avant Junin. On était passé acheter du pain et des œufs chez la grand-mère. Et toute la famille était là et après ils ont retrouvé un peu plus loin sur le chemin, et puis finalement on s'est retrouvé sur la place de Junin, et donc ils ont fini par nous inviter à la casse, à la maison. Et ça a été à peu près notre seul contact avec des locaux. On a un peu du mal à rentrer en contact avec les gens. Il y a une espèce de gêne ou de méfiance ou de timidité, on sait pas trop. A priori, les mochileros, ceux qui promènent avec des sacs à dos, sont pas forcément bien vus ici, n'ont pas forcément bonne réputation. Et donc on en souffre un peu, mais bon, on prend notre mal en patience et on sait qu'un peu plus loin, on va retrouver un peu plus d'hospitalité. Donc ces derniers jours, on a surtout vu des beaux paysages et on a pu rencontrer quelques touristes, qui sont les personnes avec qui on a des contacts en ce moment. Voilà, je vous laisse quelques extraits de mon journal de bord aussi, pour que vous puissiez l'écouter. Et pour éviter de me répéter, je vais arrêter ici. Et on vous remercie encore pour suivre notre voyage à travers le site. Et on espère que tout le monde va bien et on vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.